seule émission rap de référence. Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Abdal Malik. C'est parti pour le Planète Rap cette semaine consacrée au film qui sort pile poil dans une semaine. On est à 7 jours de la sortie du film et je le vois sautillant arriver dans le studio. Yes, yes. Abdal Malik est là avec nous, comment ça va? Ça va merveilleusement bien. De retour de Lille. Bonsoir à tous. Bonsoir Malik. Salam alaikum et tout. Alaikum salam. Voilà, bien sûr. Eh bien, bienvenue à vous tous. Merci de nous recevoir. Installe-toi, tout va bien. Alors, raconte-nous un petit débrief d'hier, parce qu'hier, on t'a eu en ligne. Ouais. T'étais à Lille pour l'avant-première du film. Ouais, j'étais alors, les Lillois, les Lilloises. Ben, on nous parle de la chaleur du Nord. C'est vrai. Et c'est vrai. Et tu as ressenti? C'est réel. Ouais, c'est réel. Bon, nous, on a vécu ça en musique, puisqu'on a fait plusieurs concerts à chaque fois là-bas et tout, et c'est mortel, mais là, ouais, c'était incroyable. Incroyable. C'est vrai, les gens sont, pareil, sont sortis. Ils sont sortis, il y a eu beaucoup d'émotions. Il y avait après l'échange avec le public, et finalement, ça a duré. Le film, il terminait à 22h, on est sorti à minuit, enfin, on est resté avec donc les beaucoup gens. De questions, beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on te demande le plus, généralement, à la fin des projos, des avant-premières que t'as pu faire et des rencontres avec le public? Ben, plein de choses, c'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont de l'ordre du témoignage, il y a d'autres choses qui tout d'un coup, les gens ont envie de savoir d'abord au niveau presque cinématographique comment j'ai fait les choses, la manière dont j'ai mais beaucoup de gens sont touchés par le fait que pour la première fois ils ont le sentiment de voir un regard juste sur leur propre vie. Et les autres finalement qui sont pas on va dire de notre milieu socio-culturel comme on dit, et ben ils ressentent cette humanité là parce que c'est important de dire qu'on n'est pas que l'humanité, elle s'arrête pas aux frontières des cités, quoi. Qu'il y a des êtres humains dans les cités réelles, des gens qui aiment, des gens qui ambitionnent, des gens, voilà, des vrais gens, quoi. Et de voir ça, c'est quelque chose d'hyper important et d'hyper beau. Donc les gens parlent rapport à ça et tout, et c'est merveilleux. Il y a beaucoup d'émotions. Et le film est un témoignage, justement. Petit pitch pour les gens qui n'étaient pas là depuis le début de semaine. Qu'Allah bénisse la France. On est à 7 jours maintenant de la sortie. On est à 7 jours. Mercredi prochain, dans une semaine. Il faut y aller à fond. Il y a une personne qui m'a demandé à la fin pendant la projo, il m'a dit ce film c'est important, tout le monde doit le voir, qu'est-ce qu'on doit faire pour tout le monde? C'est une bonne question, ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut y aller en masse. Il y a le Hobbit qui sort le même jour et il faut qu'on fasse un chiffre plus gros que celui des Hobbits et qu'on leur montre notre solidarité et notre force. Qu'Allah bénisse la France versus Hobbit. Eh oui, écoute. Ce sera à suivre la semaine prochaine. Bon, je te disais le pitch pour les gens qui débarquent, qui arrivent ce soir sur Skyrock, dans l'émission. Ben, en fait, c'est mon histoire de vie. C'est comment, d'une certaine manière, un jeune garçon passionné de rap, de littérature et qui vit dans un quartier va transcender sa condition et réussir finalement à devenir l'homme qu'il est d'une certaine manière. Donc évidemment on parle de commencer dans une cité, vivre dans une cité, la rue. On parle parce qu'on fantasme énormément sur ces thématiques-là. On parle du rap parce qu'on fantasme énormément sur le rap. Et on parle de l'islam. Et voilà, l'idée c'est de dire que, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, que là on parle d'être humain, que le rap est une forme artistique et culturelle à part entière, que l'islam est une belle religion comme les autres, une religion de paix, d'amour, de respect. Et donc voilà, et on sort des clichés sur la cité, la banlieue, c'est ça le propos du film. Ça s'appelle Qu'Allah bénisse la France, le film arrive mercredi prochain. La bande-son sortira lundi aussi, on en a beaucoup parlé hier soir avec Wallen. Yes, et elle va nous rejoindre avec Matteo Falcon. Et bon, on l'attend avec impatience, ouais. Et comme t'as pas pu écouter l'intégralité de l'émission, nous on a fait un petit replay de ce qui s'est passé hier soir. Mortel. Donc tends l'oreille maintenant Malik, c'est parti, c'était hier soir dans l'émission. Ok, toutes les histoires commencent comme ça. Skyrock, remonte le temps. C'était hier soir dans Planète Rap. Ça va bien Wallen? Ça va très bien et toi? Ça fait trop plaisir de te retrouver. Bah écoute, moi aussi, je suis super contente d'être là. Bah moi aussi, ça fait... J'étais émue comme mon premier Planète Rap. Tu te souviens du premier? Ah là là, c'était dur pour toi, je crois. Moi, je m'en souviens. Plus dur pour toi que pour moi. Je me souviens du premier, il était rude. Et il y a un côté familial aussi sur ce film. Ah ouais, toujours, toujours, toujours. C'est sûr, on travaille en famille et puis on s'apprécie professionnellement aussi. On a beaucoup de respect pour le travail qu'on fait les uns et les autres. Bon, Malik est à Lille. Oui, il est à Lille. Ça va, il te manque pas là. Pour une avant-première. Non. Il ne manque pas trop là. Bon, écoute, ça va. Je te dis ça parce qu'il est en ligne. Ah d'accord. D'accord. Allô Malik. Merci, il me manque beaucoup. Voilà. Ah bah purée. Excuse-moi de. Excuse-moi alors que tout ça n'est qu'amour de foutre la merde dans le couple. Malik. Bah, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Des fois, on a l'impression d'être important et on n'est pas si important que ça finalement. Oh, bon. Malik. C'est l'histoire de la vie. Une artiste à part parce qu'elle elle à la fois elle compose, elle à la fois elle écrit, elle fait un peu tout, donc elle est, c'est un peu un savant fou comme ça, tu vois, la manière de travailler, c'est impressionnant. Fou, ouais. Après t'es pas non plus tout le temps sur les réseaux sociaux, Wallen, j'ai même pas l'impression qu'il y ait souvent d'ailleurs. Bah non, mais pas du tout, je n'ose même pas montrer mon portable parce que la seule option c'est lampe torche, tu vois, donc j'ai pas l'impression que je suis à l'ancienne, moi, ouais. C'est, voilà, ouais. Je suis, comme dit Malik, je suis ancrée dans la vie. Je préfère rencontrer les gens. Et Wallen, bah, je te fais de gros bisous. Je t'écoutais encore quand t'avais tire, planquera l'olivier. Pour passer les gens que j'ai aimés. Oui, merci. La maison. Voilà Malik, c'était hier soir dans l'émission entre 20 et 21. Merveilleux. Merveilleux. Merveilleux. De retour dans Planète Rap d'ailleurs. De retour dans Planète Rap. Elle est à tes côtés. Elle est là, madame. Ouais. Madame est là. Madame est là. Ça va, Hélène ? Salut. Bon, ouais, bah, c'est bien de t'avoir en tout cas tous les soirs. Ouais, je suis contente. Ouais, moi aussi, parfait. Bienvenue dans l'émission dans le Planète Rap. Et ce n'est pas tout, j'ai l'impression. Oui, Malik. On a avec nous ce soir. Parce que là, il y a du cast. On a Matteo Falcon avec nous. Voilà, okay, ça va bien tout le monde, bonsoir. En forme. Ça va Fred, ça va. Un petit mot sur Matteo, Malik. Mais que dire, Matteo Falcon, il y a tellement de choses à dire sur lui. Bah alors autour de l'album, autour du film Qu'Allah bénisse la France. Bah ouais, d'abord Matteo Falcon, il est l'un des acteurs principaux du film Qu'Allah bénisse la France. Et puis ouais, il y a plein de choses, c'est un designer, c'est un MC de talent, c'est lui qui s'occupe d'un corps, il a un site culturel qui s'appelle Mikanoé. Voilà, c'est quelqu'un de d'éclectique et il fait partie, moi, de cette génération de rappeurs qui sont à la fois des entrepreneurs mais qui sont dans une démarche culturelle aussi réelle. C'est-à-dire, c'est pas juste, bien sûr, tout le monde, chacun a sa manière de faire ses affaires, son business, etc. Mais il y a aussi cette idée de montrer sa créativité artistiquement parlant. Pas nécessairement que dans le rap, mais aussi dans sa manière de designer ses vêtements sur un corps, dans sa manière de concevoir, je sais pas moi, le manga, le monde du manga, le monde du cinéma, la culture, quoi, et ses passions à travers son site Mikanoé. J'ai bien présenté ou c'est bien ou tu veux qu'on ajoute un truc? Non, non, j'ai tout dit ou quoi? Ouais, c'est le but, c'est de faire plusieurs choses, essayer de faire en sorte de créer du lien en fait. Parce qu'il y a la musique, mais il y a aussi d'autres trucs, et c'est bien d'avoir un univers et de le partager. Souvent, c'est pour ça que t'as monté le site. C'est pour ça que j'ai monté le site, pour vraiment faire une ouverture, en fait, culturelle, en fait. Pas que rester que dans le rap et, parce que le hip-hop, c'est ça aussi. Le hip-hop, il y a plusieurs choses dans le hip-hop. C'est pas simplement le rap. Il y a les gens qui dansent, il y a le tag. Et je me suis dit, voilà, fallait que je fasse ce genre de choses pour pouvoir, exprimer un peu mon amour pour tout ça en fait. Et bah dans un instant tu nous parleras aussi de ton rôle hein, et la façon dont tu as appréhendé ce rôle dans Qu'Allah bénisse la France. Si vous voulez poser des questions aussi n'hésitez pas, il y avait une question de Romain que t'as vu passer tout à l'heure. Ouais, qui m'a interpellé particulièrement. Qui t'a interpellé, qui demandait est-ce que le film Qu'Allah bénisse la France est une propagande pour l'islam. Bon, c'est important de comprendre quand même, parce que tu sais, hier j'étais à une radio dont je tairai le nom quand j'étais à Lille. Et le présentateur me dit très gentiment, il me dit mais bon c'est bien vous avez choisi l'islam et tout, mais pourquoi vous avez pas choisi une religion française, parce que ça aurait pu ah parce que c'est pas une religion française. Et tu vois ce qui est incroyable c'est quand même ça, franchement c'est ce qui est fou c'est l'ignorance. Non mais c'est l'ignorance des gens, je veux dire, c'est que l'idée, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'islam comme le judaïsme comme le christianisme sont des religions françaises en fait. Et ce qui est merveilleux en France, c'est pour ça que ce film aussi s'appelle Qu'Allah bénisse la France, c'est que lorsqu'on est en France finalement on peut croire en Dieu, on peut ne pas croire en Dieu et néanmoins vivre ensemble en paix et en harmonie. Et c'est la France, la République, qui doit s'occuper de faire en sorte que les gens vivent en paix, en harmonie, dans le respect de chacun. On tolère pas simplement les gens, on fait en sorte qu'ils puissent vivre positivement ensemble. Et donc voilà, donc c'est pas une propagande. Vrai, vrai qu'il y a un avant et un après le débat sur l'identité nationale. Aussi, ouais. Faut dire qu'à un moment donné, ça a mis quand même une sacrée pagaille, ça a mis de la confusion. Ah bah ça a divisé, ouais. Ça a mis, je sais pas quel autre mot employé, mais ça a mis du seum en fait. Ouais, ça a mis de l'huile sur le feu. Ça a mis de l'huile sur le feu. Et c'est ça. Donc voilà. Donc en tout cas, pour répondre à ta question, Romain, évidemment. Et moi, je peux y répondre parce que pour le coup, pas musulman, pas catholique. Et acteur, l'un des acteurs principaux. Un des acteurs principaux, mais qui malheureusement n'est pas encore trop rentré dans la religion. Peut-être que ça viendra un jour ou l'autre. Chacun a son choix. Il y a la liberté, heureusement. Mais pour répondre à Romain, je trouve que voilà, c'est aussi un chemin de vie. Toi, c'est le tien. En l'occurrence, il est passé aussi un moment à un autre par l'islam. T'as eu besoin de te plonger. D'ailleurs, tu l'expliques très bien dans le film, même un peu trop. D'ailleurs, à un moment, c'était c'était à fond, comme on peut partir sur quelque chose. D'ailleurs, c'est aussi la caractéristique. Souvent, je pense aux gens de quartier. Quand tu fonces sur quelque chose, parfois, t'y vas à fond, quoi. Ouais, mais comment dire, on peut y aller à fond et être dans l'ouverture et le respect de chacun et le truc. Je pense que c'est pas le fait d'aller à fond ou pas d'aller à fond, c'est le fait de bien comprendre. La spiritualité, c'est quelque chose qui nous pacifie et qui pacifie notre rapport à l'autre. C'est pas un truc pour dire moi j'ai raison, les autres sont dans l'erreur, etc. Et c'est ça qui est important, la notion d'ouverture. Et l'islam, comme les autres religions, et encore une fois, au risque de me répéter encore, c'est une religion de paix, d'amour, de respect, et c'est aussi une religion française. Et ce n'est pas un film de propagande pour rassurer. Évidemment, c'est voilà. C'est un chemin de vie, parce que c'est aussi ton histoire, donc évidemment, ça passe par là aussi, parce que ça fait partie de ta vie. On se raconte. Mais c'est aussi l'histoire d'un rappeur. Et c'est l'histoire d'un rappeur. C'est aussi l'histoire de quelqu'un qui est passionné par la poésie, la littérature. Oui, c'est vrai, c'est la propagande du rap. Ouais, c'est la propagande de l'amour et du respect. Et du respect. Bon, on débute avec un morceau, Hélène. On y va, on attaque l'amour fou ? Oui, on y va. On en profite ? L'amour fou. C'est extrait de la bande-son qui sort lundi. Je m'endors et me réveille avec ta pensée. Une odeur de café se répand sur tous les paliers. Je relis ton dernier message. Ma vie sans toi ressemble à un sarcophage. Un voisin un peu forcé sur l'eau de colonie. Celui qu'on croirait sorti de vol au-dessus d'un nid de coucou. Dans mon cœur tout est bancal. Plus rien n'y tient debout à part toi, à part nous. Dis-moi que nous deux ce sera la vie en rouge. Pour qu'elle ait la marge de pâlir chaque jour. Tu me rends dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. J't'ai dans la peau, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. Tu me rends dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. J't'ai dans la peau, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. La première fois qu'on s'est parlé, je t'ai donné envie de te poser. Qui sait jusqu'où la baraque va nous porter. Au fond, tu sais que je serai la même en HLM ou avenue Foch. Chez nous, quand on réussit, on met bien tous nos proches. Sans amour vrai, à quoi ça sert d'en avoir plein les poches. Oh. Dans mon cœur, tout est bancal. Plus rien n'y tient debout à part nous. Dis-moi charge de pâlir chaque jour. Si tu étais Ève, moi Adam, on va conquérir le monde nonchalamment. Seul tout comme seul au monde, à nous seuls comme si je m'appelais Salomon. Et toi la reine de Saba, mon amour est clean mais je t'aime salement. Je t'aime seulement comme un prince charmant. T'es ma femme, t'es ma pote, t'es ma taupe. Mon héroïne brune, la balle dans ma plume. Braquage en règle, les cœurs c'est un hold up. Trop de flush dans mes lyrics, normal quand on s'appelle Abdelmalik. Tu rends dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. J't'ai dans la peau, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. Tu me rends dingue, dingue, dingue, dingue, dingue. J't'ai dans la peau, j't'ai dans les veines. C'est pas la peine, je ne peux pas guérir de cette douce, douce, douce folie. Et je l'accepte. Le film s'appelle Qu'à la bénisse la France, la bande-son, c'est pareil, la bande-son qui a été réalisée par Wallen, l'amour par fou, Wallen. Qu'on écoutait à l'instant. Yes. C'est quoi d'ailleurs, Wallen, le tout premier morceau que t'as composé sur la bande-son, tu te souviens, là, quand tu t'es mis dessus? Non, je me souviens. Moi, je crois que c'est l'amour fou. C'est l'amour fou, celui-ci? C'est l'amour fou, ouais. C'est celui-ci? Ouais, c'est si. Mais c'était l'autre version. Exactement. Qu'on pourrait écouter, il y a deux versions. Théma dope. Théma dope. Théma dope. Ok. Ouais. Bon, on pourra peut-être le mettre tout à l'heure. Bien sûr, bah ouais, on le met tout pas, à l'heure, c'est bien. Entre 20 et 21. Entre 20 et 21. On le balancera tout à l'heure. Matteo Falcone qui est là aussi, et il fait partie du casting aussi du film. Matteo, tu veux dire un petit mot sur ton rôle, toi, qui tu es dans le film, ce que tu fais? Ouais, sans trop dévoiler non plus, parce qu'on va pas raconter tout le film. Mais bon, comme c'est en fait une adaptation, donc du coup, par rapport au livre, moi, je suis un personnage qui n'existe pas dans le livre. Et en fait, je joue le rôle d'un des frères de Malik, et qui est fan de hip-hop, un peu trop même, dans sa bulle, dans le hip-hop à crever. Et en fait, c'est un personnage qui est attachant. Et personnellement, il m'a beaucoup plu parce qu'on sent qu'il a beaucoup de sentiments et qu'il est sincère malgré ce qu'il va faire. Bah, en même temps, en l'occurrence, c'est tous les personnages, je trouve que voilà, alors évidemment quand on fait un film, on pense à la sincérité des personnages, mais c'est vrai que tous ils ont tous un truc quoi, quand tu prends chacun. Ouais, mais il y avait l'idée de singulariser chacun, c'est-à-dire de faire en sorte que chacun représente vraiment des personnalités qu'on connaît. C'est-à-dire que par exemple, moi j'ai plus de, on est dans la famille, on est 7, on est 8. Mais je pouvais pas mettre 8 personnes dans le film qui allaient symboliser mes frères, la famille. Ouais, c'est ça, ce dont on parlait hier. Il fallait quand même réécrire finalement. Ouais. Et ce travail de réécriture, je l'ai fait sur 3 frères en fait. Pour que donc, ce qui a été marrant dans l'écriture, c'est le fait de mettre dans les 3 les personnalités qui sont dans tous mes frères en fait, chez tout le monde. Ouais. Et donc, ce qui fait, ça faisait des figures intéressantes. Et là où Matteo Falcone, il a été fort, c'est que à la différence des autres qui sont quand même dans une démarche où c'est la continuité de qui ils sont. Lui, c'était un rôle finalement de composition. Il était en train de faire une personne ou une personnalité qu'il n'est pas en fait. Et il a fait des choses incroyables. C'est moi, j'ai été une performance incroyable. C'est une vraie performance. Surtout quand on connaît Matteo Falcone. C'est la première fois que tu tombes dans un long métrage, Matteo. Oui, c'est la première fois. C'est la toute première fois. Donc il a fallu trouver un peu les codes. En fait, Malik nous a vraiment bien préparé en fait. Vraiment, au départ, moi, j'étais pas trop chaud, mais il nous a rassuré, il nous a montré comment on pouvait aborder ce métier. Je crois que ça, ouais, je crois que ça revient beaucoup chez les acteurs qui ont joué dans le film. Quand je parle avec Sabrina ou quand j'entends Marc parler, c'est en fait Malik a, il a vraiment un don pour diriger les artistes. Très peu de gens le savent, pensent que voilà, il a décidé de faire un film du jour au lendemain, mais il faut savoir que Malik, c'est un cinéphile de malade, quoi. Mmh. C'est, voilà, le cinéma, c'est quelque chose qu'il aime depuis très longtemps. C'est une vraie passion, hein. Ouais. Mmh. Et il y a eu un gros travail en amont et voilà, notamment donc avec les acteurs sur la façon de jouer, le fait de laisser de la place aussi à la liberté, parce que c'est quand même un film qui est très très réaliste. En fait, très réaliste et touchant de réalisme. Moi, ce qui était important pour moi, c'est que les gens de, d'abord de mon quartier soient fiers de ce film, qu'ils aient l'impression que de se reconnaître, que ce soit eux véritablement. Et puis, pareil, je voulais que tous les gens finalement des quartiers de France, de Lille à Marseille, à Toulouse ou de toute la France en fait, que les gens aient le sentiment que voilà, moi je parle vraiment d'eux pour de vrai et avec amour, et je parle de nous. Et ça, c'était important parce que à chaque fois qu'on parle de nous, c'est d'autres où on a un point de vue qui est autre que celui des gens de l'intérieur. Ou c'est un fantasme. Et c'est un fantasme. Où on est dans des trucs. On est. Et moi, je voulais sortir justement du fantasme et montrer la vérité. Donc, qu'on soit. Évidemment, c'est un peu dur à certains égards. Parce que c'est la réalité aussi, mais il y a cette idée de parler aussi de la joie qu'on a d'être ensemble, le fait qu'on rit beaucoup, le fait de dire aussi que ouais qu'on se c'est sent vrai, c'est vrai, l'humour, de montrer ouais de montrer l'humanité en fait, de montrer qu'on est des êtres humains comme les autres, ouais, on n'est pas rigole, c'est pas une horde sauvageonne ou je sais pas quoi, tu vois, il y avait vraiment cette idée aussi d'être dans la vérité et d'être dans le vrai. Et pour revenir sur la passion dont tu parlais, Wallen, la façon dont il a filmé, je trouve qu'il y a une photo qui résume bien, vous verrez dans la pochette, hein, du CD, si vous achetez le CD, hein. Toi, tu vas l'acheter le CD parce que. Ah, bah, bien sûr. C'est commandé sur iTunes, bien tu sais que ton portable, c'est compliqué, Wallen. C'est compliqué, ouais. Mais en tout cas, il y a une photo où t'es perché sur un escabeau, donc je suppose que c'est pendant le tournage, ouais, hein, ça. Ouais, bah, ouais. Et tu sens, on voilà. Se perche pas comme ça dans la vie sur un escabeau. Ah bon? Même... Si, pour changer une ampoule, ouais. Non, ouais, je la montre, dans je la rue. Montre pas, je la montre pas parce qu'il faut laisser des surprises autour du film. Ouais. Je la montre pas, tiens, je la cache avec mes gros doigts. Ouais. En tout cas, vous verrez, mais c'est vrai que ça traduit bien, je trouve, la passion. T'as le mec avec sa caméra et tu sens qu'il y a, voilà, je sais pas à quel moment c'est, si t'es dans le neuf, si, où t'es, je sais pas si tu te souviens d'ailleurs de. Bien sûr, je me souviens très bien, ça, c'est quand on a fait le plan dit à Bayreuth. Ah, le passage piéton. Exactement. Vous verrez. Ouais, vous verrez. Ça sort mercredi. Allez, une semaine encore à tenir. Encore une semaine à tenir. Et il faut y aller à fond. Ouais. Là, on est là. Aller, on, il faut y aller. Ouais. Ouais, on représente. Et c'est important. Ouais. Tu voulais parler. Non, je voulais dire qu'en fait, c'est une BO, mais ça n'en est pas moins un album. C'est-à-dire que vraiment, je me suis investie dedans. J'ai été tellement inspirée par les images que j'ai vues. Franchement, quand j'ai visionné la première fois le film, les premières images, j'ai été bouleversée. Est-ce que super ça te faisait film, peur, toi, d'ailleurs, Wallen? Parce que c'est vrai que t'es la compagne depuis longtemps de Malik. Est-ce que quand on part sur une nouvelle aventure comme ça, non, et surtout non. quand tu sens quelqu'un qui est impliqué, te dire merde, si c'est pas. S'il loupe un peu, comment je vais lui dire? Comment. Non, franchement. Tu veux dire, si ça avait pas été bien, comment elle l'aurait dit? Non, mais déjà, il n'y a pas du tout ce problème-là entre nous. C'est-à-dire que. On se dit les choses clairement, même moi quand je suis en studio, quand il y a quelque chose qui va pas, voilà, il le dit clairement, peut-être même trop clairement, je crois. Ah, je crois que c'est. Donc, il y a une sorte de reproche caché. Non, mais t'inquiète, j'en fais autant. D'un seul coup, tu ne l'as pas regardé, Malik, mais j'ai vu dans le regard. Non, mais j'en fais autant avec lui. Donc, elle est dure, elle. Mais bon, en même temps, tu sais, l'écriture d'un scénario, ça reste de l'écriture. Mmh. Et on sait que Malik écrit des bouquins, il écrit des textes magnifiques. Et donc voilà, ça fait partie de lui. Ça reste des mots mis en image. Le problème, c'est que tu peux très bien écrire, avoir un très bon scénario, mais il y a aussi la mise en image où tu peux aussi te trouver. Il y a eu des super films où il y avait quand même des dialogues, des trucs, et au final. Bah, ouais, mais bon, en même temps, comment expliquer toi, tu le crois génie pas, toi, ça, Malik? Comment expliquer pas, le génie, Fred? Oh, ah. Mais j'ai envie de dire, il y a que le génie qui reconnaît le génie. Les laisse ensemble ou tu vas ajouter quelque chose? Ouais, non, mais c'est bien. Tu as raison, continue, non, c'est vrai. Je suis d'accord. Bon, on va en parler dans un instant. Qu'est-ce qu'on mettra comme morceau aussi? Vous voulez le thème à dope tout de suite ou un peu plus tard? peut-être mettre bien ou bien comme hier, c'était bien. Eh bien, bien ou bien dans un instant, bougez pas, on revient. Le Planète Rap spécial Kala bénisse la France. Si vous avez des questions, hein, vous les balancez 41-759 avec le hashtag Skyrock, le hashtag Kala bénisse la France sur Skyrock. Allez-y et on revient juste après ça. Non. Comme toi, Abdal Malik a lui aussi choisi Planète Rap. 20h-21h, tous les soirs sur Skyrock. Avec le film Kala bénisse la France, il sort dans une semaine. On est à 7 jours de la sortie. À 7 jours. À 5 jours de la bande-son. C'est lundi, la bande-son juste avant pour se plonger dedans. Exactement. D'ailleurs, on va écouter un morceau bien ou bien tout de suite. Ouais. Il y a une question juste avant que je te pose, avant d'écouter le morceau, parce que je trouve intéressante. C'est Ambre qui la pose via les réseaux sociaux et qui demande pourquoi le noir et blanc pour un film au thème si actuel. Mais l'idée c'était de reprendre là où la haine s'est arrêtée en fait. L'idée c'était de dire que Il y a plus qu'un clin d'œil en fait à la haine au film de Kassovitz. C'est l'idée, c'est vraiment de prendre le, d'une certaine manière, de prendre le relais et de parler d'aujourd'hui et de dire en quoi les choses, sur certaines choses n'ont pas changé et il y a même certaines choses qui ont empiré. Mais le noir et blanc c'était aussi l'idée de dire que c'est un film de cinéma. Et que c'était aussi un choix esthétique. Le fait de rendre hommage, ça souligne les émotions et ça rend hommage, j'ai envie de dire, presque au grand cinéma d'une certaine manière. Donc il y avait de tout ça. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions. On va écouter le morceau bien ou bien. Est-ce qu'on met d'ailleurs peut-être la bande-annonce juste avant? Allez, bande-annonce avant d'écouter le morceau. Bande-annonce. Pour avoir un aperçu du film dont on vous parle depuis le début de semaine sur Skyrock. Yes. Il était une fois. Toutes les histoires commencent comme ça. Ok, il pleut sur la tête comme il pleure dans mon cœur. Ma vie fut prisonnière d'un environnement où fallait avoir pour enfin être. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Vous nous embarquez pour rien là? Oh, je parle comme je veux, lâche-moi grave, je te dis. Oh, toi t'es mon petit frère, je parle comme ça aux gens, tu me fous là, on voit tout le monde. Ma bibliothèque, mes livres sont mes seuls bling-bling. Gis va bientôt terminer ses études secondaires et ses notes sont excellentes. Nous nous sommes permis de proposer son dossier pour Hippocagne et il a été accepté. En fait, c'est quoi Hippocamp là? C'est Hippocagne. Ah, pour moi, ça va rester Hippocamp. C'est Hippocamp, c'est Hippocamp. On se dit pas de la coke ou de l'héro. On peut au moins vendre du shit. Si on tombe pour la coke ou le touch, c'est grosse peine. Y'aura pas de groupe de peur à rien. T'as besoin de genre art? Moi, j'en ai. C'est ça, la solidarité, cousin. Choisis un prénom. Abdal Malik. On était au concert de la Laiterie le mois dernier, c'était super. Tout le monde est au courant qu'on passe à Planète Rap ou quoi? Ah bien sûr. J'ai reçu une lettre du tribunal, frère. Je parle de 10 piges, je vais prendre 10 piges, y'a plus de Planète Rap. Rappelle-toi le lycée, t'as reçu un choix. On ne doit pas se sentir étranger dans le pays. Et notre pays, c'est la France. Allez, on écoute le morceau extrait de la bande-son du film Kala bénisse la France, bien ou bien. On a du style depuis qu'on est tout petit. Ici, le diable s'habille en Sergio Tacchini. On le voyait dealer de la mort devant le bloc. Je sais qu'elle encaisse entre le taf et les gosses à élever seul. Tu te sens démuni. Tu voudrais l'emmener ailleurs, loin des soucis. bien ou bien à l'instant, extrait de la bande son qui sort lundi, qu'Allah bénisse la France. Tiens, j'ai posé la même question que je pose à Wallen. Est-ce que toi aussi, t'as encore surpris en bossant sur cette bande son, Wallen? Mais Malik. Incroyablement. Moi, d'abord, je suis le premier admirateur de Wallen. Ce que j'apprécie, elle a une écriture folle, elle a un sens de la mélodie de ouf, et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que elle fait tout toute seule, elle compose, elle fait les trucs, elle a un vrai talent. Et elle nous a dit hier qu'elle s'enfermait, qu'elle bidouillait, qu'elle écrivait. Vraiment, et je dis pas ça comme ça, bon après on va dire, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment qui tient du génie, vraiment ce qu'elle est capable de faire, ouais, c'est incroyable, gentil, et c'est impressionnant. Et puis sur les autres choses, bon, ça fait quelques années qu'elle travaille sur son roman aussi, elle veut faire un truc, c'est-à-dire ouais, c'est quelqu'un, ouais, elle est talentueuse vraiment, et moi c'est un honneur partager humblement c'est gentil. La vie de cette personne merveilleuse. Mais j'ai mieux compris en fait ce qu'il disait hier quand il a dit savant fou. Parce que des fois, tu sais, j'ai une idée, je suis dans la cuisine, je traverse la maison, je vais sur mes machines. Attends, j'ai une mélodie. Oh merde. C'est ça, c'est-à-dire entre donc le... voilà, c'est entre... ça, ouais, c'est le ça, côté savant fou. De temps en temps, ça déborde quoi. Ça déborde. Voilà. Ouais, c'est ça. Ah ouais, savant fou, ouais, tu peux, t'es capable d'un seul coup de tout lâcher pour aller nager. C'est comme ça en même temps, je pense que les mamans qui m'écoutent le comprennent. On fait plein de choses en même temps, on s'occupe des enfants, de la maison et on travaille. Voilà. C'est pour ça que tu n'as pas le temps, mais il y a d'autres femmes qui travaillent. Tu n'as pas le temps comme Malik de tweeter, d'instagrammer, de Facebooker, non, mais par contre, etc. Voilà, je tiens à dire que la technologie, j'aime beaucoup ça. Ah bah on mais a compris, c'est toi qui bidouilles toutes les machines. Voilà. Mais le téléphone, c'est un choix. Les réseaux sociaux, les machines. Voilà, ouais, non, ça bouffe trop de temps. Ouais, mais moi je le fais mais en voilà, période... Mais voilà, il le fait, il me tient au courant quand même. Quand les gens passent le bonjour. Ah ouais, toujours, voilà. Bien sûr. Mais je le fais moi en période un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est important de ne pas non plus être, comment dire, pris par tout ça, qui est un moment pour tout. Et c'est vrai que c'est important, et c'est vrai que moi je la connais, elle c'est quelqu'un d'entier, et elle pourra rentrer dans un rapport trop personnel avec les gens ou le truc ou quoi, donc c'est normal. Alors que moi il y a peut-être un peu plus de recul par rapport à ça. Mathéo, ouais. On peut suivre aussi, et ton site rappelle aussi l'adresse justement, tu nous parlais du site un peu. Culturel s'appelle culturel que tu as Nicanoé, donc c'est www.nicanoé.com, et il y a la boutique en ligne, encore la boutique, sur tous les réseaux sociaux, Facebook, encore Facebook. D'ailleurs, c'est ça. On peut mater les images sur Skyrock FM, ou allez-y si vous avez l'application Skyrock. Ouais. Momo, fais-nous des gros plans là. Voilà, parfait. Yes. Vous pouvez mater sur Skyrock FM. On accueille tout de suite Youssef de Montbéliard. Salut Youssef. Salut l'équipe. Salut bien. Youssef. Comment ça va, frère? Ah, super, quand je vous entends, ça va. Salut. Ah, ça fait plaisir. Ouais, tu as bien noté quand sort le film qu'Allah bénisse la France, Youssef? Ouais, d'ailleurs, c'est fait par deux artistes que j'apprécie. Merci. Donc, c'est un film qu'on attend. Donc Wallen qui a bercé notre enfance avec ses chansons, et puis Abdel Malik avec sa plume d'artiste qu'on se lasse jamais de l'écouter quoi. Merci beaucoup. Et bah ça sort mercredi prochain, le film et la bande son lundi. On t'écoute rapper, t'as une 30 pour tout défoncer. Tu repars aussi cette semaine avec le rasoir Click and Style de chez Philips. Ça et allez faire plaisir. Un tour sur skyrock.com/shaveandplay pour défier par exemple Youssoupha, Cut Killer aussi, allez-y, postez vos photos, n'hésitez pas, c'est sur skyrock.com/shaveandplay. On t'écoute rapper, c'est parti Youssef. C'est parti là, la famille. 1, J, Y, O, U, W, S, parfait en direct de Skyrock. 1, J, J, ok, on. Laissez passer le M6 en bicrap que des royalties. Y'en a qui rêvent de royalties, tout tordu comme la tour de Pise. Moi je veux juste changer de galaxie, efficace comme les galactiques. Tu penses que c'est que ça vient d'ailleurs? Non mec, c'est moi qui l'ai écrit, bico. Vu comme une autre espèce, si je fais couler le sang, c'est pour gagner le respect. Depuis le temps que j'avance et soufflé, je n'ai plus le temps de terminer mes couplets. J'ai pas peur d'écouter comme une scène, on m'a déjà coupé. Je veux du bif, toute ma mie fait du bon son. Rentre ma vie et mon vécu, mais j'ai du bon sens. Et ben tout ça, j'ai la fleur, mais j'ai mal le même qui me. Ah, Youssef, t'as branché l'autotune sur le téléphone, il y a un problème. Youssef, tu m'entends? Ouais, je t'entends là, tu m'entends? On a eu un problème, ce qu'on va faire c'est que tu reviendras rapper. Merci parce qu'on est déjà hyper à la bourre, et merci, on a eu un bel aperçu de ce que tu fais, et tu reviendras de toute façon. Wallen, tu voulais ajouter très bien. Mortel. Et tu reviens quand tu veux dans l'émission. On te file aussi le rasoir Click and Style de chez Philips. Et dans les semaines qui viennent, si on peut t'écouter Youssef sur le net quelque part, balance des adresses où on peut te suivre aussi. Bah allez sur la page Facebook Youss apostrophe. Et merci à vous l'équipe. Et bah merci, merci à toi, toi. Force, force. Merci Youssef. Et bon allez, courage pour la suite. Vos questions, allez-y, 41759. Le hashtag aussi Skyrock ou Kala bénisse la France sur Skyrock. J'ai vu un message, une question passer. Ouais, est-ce que tu peux me remonter? Parce que pareil, ouais, c'était peut-être une question qu'on se pose. Voilà, le film, on était pile poil. Le film n'est-il pas dans un registre de film ghetto? Comme 8 Mile, La Haine. Même si j'ai pas l'impression que 8 Mile ou La Haine soient des films ghetto. Peut-être. Dans le cliché, je sais pas ce qu'il entend par là. Je sais pas ce qu'il entend par là, mais loin de là, au contraire. Pierre qui nous envoie ça comme message. C'est vrai que. Et donc du déjà vu en fait, voilà. Et ce qu'il demande, en grosso modo, est-ce que c'est pas comme 8 Mile ou comme La Haine, est-ce que c'est pas une ressucée de tout non, ça? Non, parce que c'est mon histoire. Il ne faut pas oublier que c'est une histoire singulière. Mmh. Chaque histoire est particulière, donc c'est mon histoire. Mais surtout, je pense que il y a jamais un film, en tout cas en France, qui a été réellement fait de l'intérieur. C'est-à-dire avec des gens qui tous venaient vraiment de cité, de l'intérieur, et voulaient parler, montrer un autre visage de la cité. Donc évidemment, dans la forme, il y a certaines choses peut-être qu'on a déjà vues, mais ce qui est, c'est amené d'une autre manière. C'est-à-dire que l'histoire, comment elle est racontée, la photo, le jeu des acteurs, il y a quelque chose de frais, de totalement, j'ai envie de dire, qui l'émotion, quoi. La finesse avec laquelle tu abordes les sujets. Ouais. Quand tu dis que c'est la première fois qu'un film est fait sur la cité par quelqu'un qui vient de la cité, c'est ça en fait. C'est qu'il y a vraiment, il y a de la nuance, il y a de la complexité. C'est pas, on n'est pas du tout dans les clichés. Pas du tout, du tout, du tout. Ouais. Donc je pense que, après, faut voir, mais je pense que si tu vas voir, si la personne en question va voir le film, elle comprendra tout de suite que c'est pas du. Ouais, et puis en plus, il faut pas oublier que c'est Strasbourg, c'est un quartier de Strasbourg. On a tendance à dire, à vouloir faire croire que tous les quartiers sont pareils, qu'on est des espèces de photocopies, mais il y a des particularités. Ah ouais, dans chacun. Moi qui viens de Bobigny, J'ai été hallucinée en fait par les différences qui existent en Alsace, dans un quartier d'Alsace en fait. C'est-à-dire on peut se retrouver avec les mêmes problèmes de fond, mais la forme c'est totalement différent parce qu'il y a une culture. Ouais, il y a pas du tout les mêmes profils de gens aussi. Exactement. Au niveau même au ben culturel, tout, le culturel, le parler, les attitudes, enfin l'accent. Tu vois les gens parlent avec l'accent. Ouais, c'est vrai que c'est aussi traduit dans le film. On connaît l'accent du sud. Ouais. On connaît un peu l'accent parisien, mais bon, l'accent alsacien, le meilleur de tous. Donc rien que pour ça, faut aller le voir. Allez le voir la semaine prochaine. Mathéo, toi, ça t'a fait bizarre ou pas justement? Parce que c'est vrai que le film est porté par des comédiens. Non, c'est la première fois d'ailleurs qui passe à l'écran, mais il y a aussi Sabrina Ouazzani qui joue un peu ton rôle, Wallen, et Marc Zynga qui est juste incroyable et qui prend ton rôle. Ça t'a fait bizarre justement ou pas? Qui connaît bien Malik et quand tu voyais Marc au quotidien franchement j'ai vu quelqu'un qui avait la capacité justement d'incarner Malik, parce que c'était spectaculaire ce qu'il a fait. C'est incroyable. Même dans la diction Dans la diction, c'est vrai que c'est tu fermes les yeux, tu. C'est vrai. Mais c'est un acteur incroyable. Ouais. Moi j'avais vu dans Mobutu, il avait joué le rôle de Mobutu. Dans Bob de Nard. Incroyable. Incroyable. On l'aura peut-être d'ici la fin de semaine, Marc. Non, on l'aura carrément et il y a plein de surprises. On aura attention. Et tous les soirs entre 20 et 21 pour le film Kala bénisse la France et la bande son. Qu'est-ce qu'on met comme morceau? On met un morceau qui s'appelle Hashtag Wallen. Et ce morceau, c'est spécial dédicace à toi, Fred. Et allons-y. Tu vas écouter, et à Bilal. Spécial Bilal. C'est hashtag poésie et urbanisme. Le rap et le militantisme. Le crack et le libéralisme. Wesh, yo, quand la douleur se fait lyrique. Quel est donc cet élixir? Ok, moonwalk linguistique, appelle-moi Mike. Jackson, Auster, Aster, Fred, comme la nocturne sur Sky. Dégousse-moi ces lyrics, redonner le goût du rap des années 90. Le turfu, c'est mon passé, nouvelle, fantastique, je suis mon passant. Ne veux pas, swam le mic. Jordan, Mercantile, Mercury, Fred, we are the champions, my friends. Dégousse-moi ces lyrics, redonner le. Ok. C'est hashtag poésie et urbanisme. Le rap et le militantisme. Le crack et le libéralisme. Wesh, yo, quand la douleur se fait lyrique. Quel est donc cet hashtag poésie? C'est hashtag poésie. l'urbanisme, le rap et le militantisme, le crack et le libéralisme. Ouais, je vois chiant quand la douleur se fait lyrique. Quel est donc cet élixir? C'est comme donner un microphone aux misérables. Cosette devient une big girl. C'est plus la plume et la poutre qui parle. Dance floor, les platines deviennent des armes. DJ en camouflage sauve des lives. Yo, yo, yo. C'est hashtag poésie et urbanisme, le rap et le militantisme, le crack et le libéralisme. Ouais, je vois chiant quand la douleur se fait lyrique. Quel est donc cette hashtag poésie? Qu'est-ce qu'il y avait sur le feu quand t'es parti en studio pour aller faire ce morceau? Ça a chauffé. C'était quoi là, d'un seul coup, pour que bah, tu partes faire ce morceau avec ces sonorités On s'énerve sur les machines des fois, tu vois. Tu sais bien comment il est né celui-ci ou pas, le hashtag Wallen? Bah écoute, non, pas vraiment. De quoi? J'ai pas comment entendu. Il est né? Comment il est né? Ouais, tu voulais faire un truc spé, ouais, un truc super spé, ouais. Et tu voulais rapper. Exactement. Tu voulais kicker, ouais. De ça. Voilà, exactement. Et donc, voilà. Et je voulais un morceau bien spé, pas de rythme, rien, voilà. Et bien le résultat est sur la bande son, qu'Allah bénisse la France. Le morceau s'appelle hashtag Wallen à l'instant. Hashtag Wallen, gangsta. Gangsta, et merci d'ailleurs, un petit clin d'œil, j'ai compris, et évidemment. Oui. Tout comme le film, hein, où j'ai la chance d'apparaître, et ouais, je ne sais comment te dire merci d'ailleurs, parce que c'est un moment en plus important dans le film, donc c'est. Ouais, c'est on va un moment. On va pas tout dévoiler d'ailleurs. Mais ouais, quand même. On dit pas qui est dans le studio. Non, on dit pas. Mais par contre, ce qui est important, c'est de dire aussi que c'est l'histoire d'un rappeur, et pour plein de rappeurs à travers la France, passer sur Planète Rap, Skyrock, c'est le saint graal du hip-hop et du rap, tu vois. Donc il y a plein d'MC, plein de jeunes MC qui sont là dans leur chambre, qui écrivent, qui ont envie de faire quelque chose et qui rêvent de passer dans ton émission, frère. Bah, non, mais d'être je vois les messages, parce que c'est vrai que un vrai truc. C'est vrai que là, comme nous, on est à Paris, en région parisienne, je dirais qu'on est un peu les enfants gâtés. C'est assez simple de venir à la radio, d'apporter un CD, un son, une clé USB. Mais il y a plein de gens, on parle de Strasbourg, Neuf. Mais dans toute la France, il y a des quartiers, il y a des cités, et puis il y a même des mecs qui rappent en pavillon et n'importe où. Bien sûr. Et qui, aimeraient pouvoir aussi facilement déposer parfois des CD, des clés USB. Et puis, c'est une forme d'accomplissement, en fait. C'est-à-dire que dans une carrière, et tout le monde le sait, et c'est, tu signes ton deal ou t'arrives à faire un truc en indépendant, tu fais ton truc et tout, tu fais parler de toi, tu fais le buzz, et puis la consécration, c'est que t'as ton Planète Rap, ça veut dire quelque chose. Et donc voilà, donc ça aussi, ça faisait partie presque dramaturgiquement de l'histoire, en fait, dans le film. Et de raconter qu'il y a un point de bascule, et ça passe par. Bon, on vous dit pas, en tout cas, vous verrez dans le studio, il y a d'autres gens qu'on connaît bien ici sur Skyrock. Mais allez voir le film. Mercredi prochain. Mercredi prochain, allez-y en masse. Et le 2 jours avant, il y a la BO. Est-ce qu'on met un petit son avec Mathéo, peut-être, qu'on n'a pas mis ce soir avant de se quitter? Un morceau extrait de la bande son du film qu'Allah bénisse la France. On remet le. Hein? Ah, c'est en train de. Wallen parle bien, entende tous les deux. On va remettre le grand pardon. Non, elle veut remettre le grand pardon. Pardon, on remet. Un bon grand pardon, ça tique. Très bien. Et on balance ce morceau maintenant, c'est extrait de la bande-son avec Matteo Falcon, Wallen aussi, qui a beaucoup bossé, qui a transpiré sur cette bande-son. Eh ouais. Et c'était en pleine grossesse, attention, je tiens à le dire. Parce que c'était. Je comprends mieux le truc énervé difficile. D'avant. Ah, tu vois. Je comprends mieux. Après une nausée, hop, hashtag Wallen. Alors on écoute le morceau maintenant. Excusez-moi. Mais c'est l'heure en plus, c'est bien. C'est la poésie du moment. 20h46, c'est l'heure de la nausée. C'est ça. Allez, c'est parti. Grand pardon, c'est extrait de la bande son. Thank you. quand je vois combien le monde est violent. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants. Nous sommes comme le soleil un jour d'éclipse. On nous regarde sans nous voir et c'est l'apocalypse. Sur le chemin de la mosquée, j'écris mes premiers 16. Habillé à la mode pakistanaise. Un homme sourd nous salue, assalam alaikum. Ils l'ont jugé, j'aurais voulu qu'un ange vienne fermer leur bouche. On croit qu'on est parfait, on pardonne, pardonne, pardonne, pardonne pas. Nos fautes et nos excès. Pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne à ceux qui sont tombés. Pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne. Insuffisance d'être celui qui ne pardonne, pardonne, pardonne, pardonne pas. La haine s'est cousue, un manteau fait de toutes nos colères. C'est une pop star adulée sur internet. On juge, on critique, on envoie même en enfer. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier commentaire. Oh, à l'arrière d'une fourgonnette, une main sur le canon, l'autre main sur la gâchette. Qui sommes-nous pour disposer de la vie d'un autre? L'ennemi reste tapis entre nos côtes. On croit qu'on est parfait, on pardonne, pardonne, pardonne, pardonne pas. Nos fautes et nos excès. Pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne à ceux qui sont tombés. Pardonne, pardonne, pardonne, pardonne, pardonne. Insuffisance d'être celui qui ne pardonne, pardonne, pardonne, pardonne pas. Dieu pardonne mes haineux. Personne n'est comme Matteo Falcon. Un bonhomme qui résonne dans la zone. J'ai vu trop de blèmes. Et des blâmes ont été donnés, c'est la même. Donc j'ai décidé de décéder les blèmes. Plus jamais céder, j'étais OP, obsédé par la violence. Toute mon enfance, j'ai traîné, entraîné dans les blocs comme un Black Ops. Black Tata font les tirs de calage. Mais qu'est-ce que t'attends pour fuir la violence? Redevenir pote avec ton ami d'enfance. C'est toujours une histoire de cache ou de race. De territoire où toi t'es blanc, moi je suis noir. Pardonne ma différence. Si j'ai pas la même religion que la tienne. Pardonne ma différence, accepte ma différence. Donne-moi une seconde chance. J'ai pas de Beretta que la baraque à la fortune. Y'a pas de baratin, tout ce que j'ai dit j'assume. Dieu pardonne les haineux. Si je pardonne, Dieu me pardonne. Dieu pardonne les haineux. Empereur Matteo Falcon. Empereur Matteo Falcon. LVMH Matteo Falcon. On pardonne, pardonne, pardonne, pardonne pas. Nos fautes et nos excès. Le grand pardon à l'instant, c'est extrait de la bande son réalisée par Wallen qui est là avec nous, avec Matteo Falcon, ce morceau aussi. Yes. Entre 20 et 21. Et puis, allez vous procurer, déjà, ceux qui aiment bien l'objet, le CD, vous verrez, c'est, t'as fait toutes les dédicaces. Même pas, Malik, t'as pas eu la place pour faire des dédicaces. C'est que Wallen qui a fait des dédicaces. Ah, bah, c'est, en même temps, c'est sa vision. Moi, ma vision, c'est le film. C'est le film, Sa vision, c'est, la musique inspirée. Non, et puis je trouve ça touchant. Voilà. En même temps, toi, tu dédicaces toutes les nanas, pareil, du R&B. Je crois que t'oublies à peu près personne, ou peut-être forcément une ou deux, mais, je sais pas, je vois Kaina Samet aussi, quelqu'un que t'aimes bien, que t'apprécies. C'est quelqu'un que j'aime bien. Il y a des messages qui disaient, est-ce que tu feras un jour un morceau avec Kaina? Écoute, pourquoi pas, il n'y a pas de souci, pourquoi pas. Il faut juste que l'occasion se présente. Là, je sais qu'elle est en concert vendredi à la Maroquinerie. C'est ça. Et voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie, humainement. C'est quelqu'un qui a un très bon esprit. Et voilà quoi, elle a beaucoup de talent, sa voix, son timbre, elle a un timbre unique et puis voilà quoi. Et bon, on lui fait un bisou à Kaina. On la salue en même temps. Je trouve que dans le R&B, il y a des artistes qui comptent même de manière générale, et je trouve que Kaina Samet, c'est une vraie artiste, véritablement dans sa capacité à émouvoir rapport à ce qu'est cette musique urbaine, R&B. Ouais, elle a une voix vraiment soul. Un grain de voix particulier qui est propre à elle-même, quoi. Qu'Allah bénisse la France, le film, ça sort mercredi dans une semaine, et lundi, il y aura la bande son. Merci à vous, merci Matteo Falcon d'être passé. Tu reviens peut-être demain après-demain? Wallen, maintenant t'es essayé, t'es là aussi? Et des surprises, soyez là parce qu'il y aura de belles surprises. Et bien, juste avant de se quitter, on fait tourner la roulette, c'est parti. Skyrock t'offre la tournée 2015 de Nawel Madani. Avec Siam du Havre, salut Siam. Salut. Ça va bien? Oui, ça va, et merci. Ben, je te présente un peu tout le monde, l'équipe de Kala bénisse la France avec Abdelmalik, bonjour, avec Matteo Siam. Falcon et bonjour. Wallen, évidemment. Bonsoir. Bonsoir, Siam. Comment ça va, Siam? Ah, ça va très bien, merci. Bon, très bien. Allez au Havre, prête à faire tourner la roulette, on y va, c'est parti. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben une autre Nawel Madani, qui sera de retour sur toutes les routes de France à partir du mois de février. Toutes les dates sont sur le Skyrock FM. Toi, c'est au Havre. Elle passe du côté du Havre, j'ai pas la date, mais elle sera du côté oui, du Havre. Oui, c'est ça. Eh ben voilà, t'as deux places pour aller voir Nawel Madani. On te fait des bisous, Siam. Merci, bisous à Wallen. Bisous. Salut, Nawel. Siam. Bon, ça marche aussi dans son sens. Ouais, ça marche bien sûr. Dans les deux sens, c'est la même personne. C'est la même personne, voilà. C'est vrai, ouais. Bon, merci à vous en tout cas. Merci à toi, frère. Merci à toi. Ouais. Merci à Matteo, toi. Merci Wallen, merci Abdelmalik. Demain, de retour juste avant 20h. Demain, on est de retour. À pas louper, qu'Allah bénisse la France. Lundi, dans les bacs et mercredi sur grand écran. Et partout en France. Sur grand écran. Yes. Est-ce que Difool est là? Est-ce Mais qu'il oui. est connecté avec toute l'équipe? Eh ouais, connecté. Ouais, ouais, ouais. Salut Abdelmalik, salut Wallen. Wallen, on garde toujours la meilleure pour la fin. Et Matteo ouais. Falcon. Appelle la galanterie. C'est la galanterie à l'envers, tu sais. Ouais. Bon, on se retrouve demain, donc Fred a tout dit. 20h, 21h, à pas louper. Le Planète Rap tout au long de la semaine, c'est jusqu'à vendredi. Et dans les salles, c'est mercredi prochain. Super. Et ça aussi, c'est à pas louper. Si tu cherches des personnages, okay. d'ailleurs, pour ton prochain film, Malik, je te propose Romano. Romano? Je pense qu'il y a un truc à faire dans le cinéma avec Romano. C'est vrai, en termes d'acteur, il a un genre particulier. Un talent d'art. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bonne question. Je vais vous poser une question à vous tous qui nous écoutez. D'ailleurs, à toi, Wallen, à toi, Abdelmalik, à toi, Fredo. Vous le mettriez dans quel rôle, Romano? Alors, sachant que je suis petit et chauve à lunettes. Moi, je le mettrais banquier. Je pense qu'il y a un talent comique incroyable qui est en train de... Ah bah, c'est sûr. À côté physique. À côté Sim. Sim. Sim, ouais. Je suis juste 50 ans. Ah oui, un remake des bidasses. Sim, c'est un grand acteur quand même. Oui, mais un peu à l'ancienne. Il est beau gosse en plus. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait le rapprochement avec Sim. Non, mais non, parce que Sim était très grand, je crois. Je conseille à ceux qui ne voient pas très bien à quoi ressemble Sim d'aller cliquer maintenant. Voilà, si vous voyez pas à quoi ressemble Romano, vous pouvez cliquer aussi. C'est vrai qu'il y a un truc, putain. Non, mais moi je voulais dire merci à Matteo Falcon parce qu'il y a quelques mois on avait fait gagner des polos de Saint-Marc. C'est vrai, c'est vrai. Accord, ouais. Donc en fait, personne n'a gagné, c'est Romano qui est tout près chez lui. Il est content. Non, je vais pas te cacher que d'ailleurs j'en porte un ce soir. Mais en même temps, voilà, c'est de qualité, qu'est-ce que tu veux faire? Non, mais ils sont jolis. Ils sont jolis. Merci beaucoup, franchement, merci. En fait, c'est toute sa garde-robe et tout un placard. Ouais, c'est ça. Bien parti. Bon, Fredo, petit blind test. Alors, qu'est-ce alors que attention, c'est attention. Hop, hop. On remet les glaçons. Allez, Jeffrey. On remet les glaçons. Ouais. Jeffrey, c'est Soprano. Eh ouais, on va démarrer avec Soprano tout de suite sur Skyrock. Et puis, bah, comme d'hab, vous nous appelez au 01 53 40 30 20. C'est parti jusqu'à minuit avec toute l'équipe qui est là. On salue Ben C de Dubaï, Supermind. Tiens, Romano, on te verrait en voleur beaucoup. Hein. Ouais. J'ai également en pute, là. Je sais pas pourquoi il nous dit ça. C'est qui? C'est Marc 95. En pute. Qui te verrait sur le trottoir. Ouais, bah, je pense que je dois l'exciter. En femme. C'est possible. En plus, un soir de clash, c'est possible. C'est vrai. Eh bah, écoute, on va soumettre l'idée à Malik. Peut-être que ça va travailler cette nuit. En termes d'inspiration, qui sait? En termes d'inspiration, je pense qu'on te trouvera un rôle d'ici la fin de semaine, Romano. Ah bah très bien, pas de problème, je suis dispo. Non, on ça là. Un premier rôle. Allez-y, sur les SMS, sur le net, si vous voulez passer dans l'émission, vous nous appelez. On arrive tout de suite sur Skyrock. Ciao Abdelmalik, salut Wallen. À bientôt. Et demain Fredo. Ciao, ciao. Ciao. Radio Libre, c'est parti. Et donc c'est parti avec Fresh Prince. Tout de suite, c'est Sopra.